Chapitre 25e. L'état de l'état. Où Karim peut-il chercher la solution pour éviter ce qui menace le frère de Zahra et par conséquent toute sa famille? Le soir, après dîner, Karim est devant la table basse, surmontée des deux verres de thé à la menthe en compagnie de son sage. Après avoir écouté les informations de ce jeune voisin, Sylafide reste perplexe sans toutefois être surpris. « Là, mon cher Karim, le problème est à équation multiple, dont l'une est inconnue et difficile à découvrir. Laquelle? Qu'est-ce qui pousse un jeune drogué à choisir la guerre pour tuer des innocents en croyant bien agir? On a tellement écrit à ce sujet, et d'abord les réputés prétendus experts du problème. Bien entendu, ils tournent autour, en évitant les aspects gênants, par ignorance ou par opportunisme. » Suivant sa méthode, Sylafide ne cite pas les personnes dont il parle. Il préfère impliquer son interlocuteur dans la discussion. Aussi le regarde-t-il de manière interrogative. Karim se contente de demander « Et quels sont ses aspects ?» Le vieillard ne se résout pas à fournir l'éclaircissement. Il souhaite aider son voisin à raisonner de manière à trouver lui-même la réponse. « Essaye, dit-il à Karim, de trouver ses aspects, en te rappelant les livres que tu as lus. Selon toi, quel fut le problème fondamental ou, si l'on veut, l'obstacle fondamental que les autogestionnaires furent contraints d'affronter et de combattre ?» L'interrogé réfléchit un instant, puis répond « L'État. »« Exactement, » confirme Sylafide. « Plus précisément, la nature du pouvoir étatique, sa nature intrinsèque. C'est précisément ce que les soi-disant experts évitent d'aborder, par ignorance, par crainte de perdre leurs privilèges ou, pire encore, leur vie. En effet, l'enjeu fondamental n'est-il pas le rôle qu'assume l'État dans la gestion de la société ?» Il se tait, prend lentement son verre et boit une longue gorgée du contenu, puis il réfléchit. De son côté, Karim l'observe en examinant les propos entendus. Sylafide explique, évitant toute emphase, de la manière la plus simple. Il reste à la science tellement de progrès à réaliser au sujet de deux immenses mystères, le cœur de l'être humain et l'univers dans lequel il vit. Tant que la science ne parviendra pas aux éclaircissements indispensables, les religions continueront à fournir les réponses illusoires au peuple. Ajoutons à cela les soi-disant démocrates et progressistes de tous bords. Tout en proclamant verbalement leurs convictions, ils ne daignent jamais aller à ce peuple pour le connaître réellement, pour savoir le langage qu'il convient d'employer avec lui. Par langage, qu'entends-tu ? Me savoir Karim. Pas seulement le contenu, mais d'abord la forme, c'est-à-dire la langue du peuple. Pour la parler, nos compatriotes kabyles furent contraints de verser leur sang. Quant à la Ziriya, la langue arabophone du peuple, qui s'en soucie? Je viens de lire un essai, déchargé gratuitement d'Internet. Il défend vigoureusement cette langue populaire. Aucun journal n'en a parlé, à l'exception de l'auteur de l'essai lui-même. La soi-disant intelligentsia ne considère que le français, l'arabe moyen-oriental et à présent le tamazghit, y compris dans les concours littéraires. Comment, dès lors, s'étonner de voir un jeune drogué, enfant du peuple, finir dans les rangs des intégristes assassins, et non dans ceux des démocrates? Ces derniers font-ils autre chose que plastronner et blablater? En réalité, ne méprisent-ils pas le peuple en le considérant uniquement comme masse de manœuvre? Dans ce domaine, les fascistes cléricaux savent mieux agir. As-tu constaté combien sont désertes les rues, le vendredi au moment de la prière? Presque tous les gens sont à la mosquée. C'est le seul endroit où ils entendent parler de justice, de fraternité, de solidarité, en croyant les auteurs de ces prêches sincères et voulant le bien du peuple. Dès lors, est-il étonnant qu'un jeune drogué soit attiré par ces renards, en finissant par ne voir comme solution que le djihad guerrier? On le lui présente comme saint, juste, comme le vrai recours contre son exploitation, sa domination et son humiliation par les prétendus mécréants. Les auteurs de ce discours ne se contentent pas de parler au peuple uniquement dans les mosquées. En plus, ils le fréquentent dans ces quartiers de misère. Dès lors, comment ne pas leur être sensible, reconnaissant, croire à leurs bonnes intentions? Ajoute à cela autre chose. Les soi-disant experts, ayant accès aux médias dominants, ne disent jamais ceci. C'est l'État lui-même qui a produit et favorise la peste cléricale, que cet État soit autochtone ou étranger néocolonial. Tout État a besoin du cléricalisme pour légitimer sa domination, et cela, quelle que soit l'époque et l'endroit sur la planète. « Et les États qui défendent la laïcité ? » demande Karim. « Ils ne la défendent que contraints par la pression des citoyens les plus éclairés et résolus. Néanmoins, l'État et la religion se nourrissent l'un de l'autre, quel que soit l'État et quelle que soit la religion. Même dans les pays qui s'opposaient à la religion fut fabriquée une de type laïque. Cela commença avec Robespierre, avec son être suprême, dont le premier s'autoproclama le prophète. Ce phénomène continua avec les disciples de ce révolutionnaire à la sauce étatique. Depuis la conquête de l'État par les bolcheviks, l'idéologie produite proclama Marx comme Dieu et le chef du parti unique comme son prophète. Et même dans un pays dépourvu de religion mais disposant d'une morale, les dirigeants de l'État ont transformé cette dernière en une forme de religion. C'est le cas de l'État chinois actuel. Pour légitimer sa domination, ne disposant plus de Mao Tse-tung comme prophète omniscient et tout-puissant, les dirigeants étatiques ont remis en vedette Confucius, l'idéologue par excellence de la soumission du peuple. Si Lafitte s'interrompt et regarde Karim pour se rendre compte de l'effet de ses paroles. Le vieillard évite la longue dissertation, parce qu'ennuyeuse, donc inefficace. Il porte la main gauche à son menton et le caresse lentement pour calmer son excitation, son désir d'expliquer, de partager les leçons de ses lectures et expériences pratiques. Pour sa part, Karim comprend. Chaque fois que son ami évoque le thème de l'État, sa voix a une vibration particulière, et il semble désolé d'en parler longtemps. Aussi, Karim prend sa voix le plus possible, relance. « Si j'ai bien compris tes propos, le problème fondamental, la cause première de tous les maux sociaux, c'est l'État. La manière dont il agit, plus exactement. Même Karl Marx, malgré tous ses efforts, ne l'a pas suffisamment compris. Ce furent les anarchistes qui avaient parfaitement mis en évidence ce problème. Ils dénoncèrent la théorie marxiste de l'État transitoire, sous forme de dictature du prolétariat. Ils démontrèrent que cet État-là reste d'idéologie bourgeoise dominatrice. Hélas, hélas, hélas. Les profiteurs de l'État, encouragés par Marx, défendirent encore l'idée d'État, en l'apparant d'artifice trompeur. Et nous avons constaté dans quel état, je veux dire, quelle situation catastrophique nous sommes tombés dans la planète entière, et combien il est dur, très dur de s'en sortir, tellement la mentalité étatique est ancrée dans les esprits. « Que faire alors ?» demande Karim avec angoisse. Si Lafitte hausse la tête à plusieurs reprises, soupire longuement, puis « Je crois, hélas, admet-il, que la solution n'est pas pour demain. Tous les États de la planète ont besoin de religion et de terrorisme pour justifier leur infâme domination. Terrorisés par la religion, en menaçant par un au-delà de châtiments effroyables, sinon terrorisés par les crimes en cette vie-ci. Avec ce dernier, le chantage est clair. C'est nous ou le terrorisme. Auparavant, c'était la peur du rouge, du communiste athée, destructeur de la propriété privée et de la famille, sexuellement dépravé, etc., etc. Une fois cet épouvantail disparu, il a fallu inventer un autre pour effrayer les peuples, en les détournant de leurs problèmes réels. Karim trouve le moment opportun pour revenir au premier motif de sa visite chez son ami. Il demande « Et pour le frère de notre voisine, que peut-on faire ?» L'interrogé réfléchit, longtemps. Puis il secoue la tête avec un « Mm-hmm » de profonde perplexité. Ensuite, il hausse ses sourcils, qu'il tient tendus en arc, puis les rabaisse. « Je t'avoue que je ne sais pas. Je crains que le mal soit trop profond et le remède impraticable. Quel remède ? Tant qu'il y aura des injustices criminelles, certaines des victimes deviendront à leur tour des criminels. Crime contre crime. Pas de solution alors ?» relance Karim. « Personnellement, continue-t-il Lafitte, je ne vois qu'une solution pour éliminer ce cercle vicieux. Bannir le système social autoritaire et hiérarchique au profit d'un autre de liberté individuelle couplé à une solidarité collective. Autrement dit, éliminer l'État parasitaire au bénéfice d'une institution réalisant l'autogestion sociale généralisée. Cela fut réalisé, comme tu l'as lu dans les livres, pendant quelques années. Les expériences furent toutes très concluantes et auraient pu continuer si les étatistes de toute couleur idéologique n'avaient pas interrompu l'expérience par la violence armée ou bureaucratique, cette dernière néanmoins soutenue par l'armée. La conception autogestionnaire est, à notre époque de capitalisme triomphant et de marxisme encore survivant, aussi minoritaire que le fut l'idée de liberté à l'époque de l'esclavage. Il se tait, Karim se sent écrasé par ce genre de fatalité. Son vieil ami, s'en rendant compte, l'interpelle. « Ce que je viens de dire te décourage ?»« Oui. » Si Lafitte sourit puis le félicite. « J'admire ton honnêteté, cher Karim. Elle prouve que tu es courageux. »« En quoi est-ce courageux ? Le plus grand courage, explique le vieillard, c'est de reconnaître ses propres carences. Ce courage a un immense avantage, il permet de s'efforcer à trouver des solutions. Alors, réplique le jeune infirmier, dans le cas que tu viens de décrire, la domination majoritaire de la mentalité étatique, qu'est-il possible de faire ? Que font, réplique Sylaphide, les gens en cas de difficultés majeures, apparemment insurmontables ? Karim réfléchit un instant, puis dit « Se résigner ou lutter ?» Et laquelle des deux attitudes est préférable ? Certainement pas la première, affirme Karim. Alors, conclut le vieillard, il reste la seconde. Autrement dit, bien que minoritaire, lutter a semé des grains partout où c'est possible, même là où cela semble inutile ou dérisoire. Le but est de contribuer à convaincre de reprendre l'expérience de l'autogouvernement, en sachant que les adversaires s'y opposeront avec toutes leurs forces et de toutes les manières, y compris les plus vils et les plus féroces. Comme cela a toujours été le cas. Il semble, observe Karim, que nous avons déjà un exemple de ce genre de traitement. Pour le simple nettoyage solidaire des immondices sur la place publique de notre quartier, la police est intervenue afin de l'empêcher. Et Omar, le marchand intégriste, n'appréciait pas du tout notre action libre et collective. Enfin, l'agression dont je fus victime, quel que soit son mandataire, était un avertissement. Sans oublier les obstacles que nous rencontrons dans notre section syndicale à l'hôpital et toutes les interdictions allant jusqu'à la répression policière des initiatives citoyennes autonomes. Karim s'interrompt. Soudain, il lance à son vieil ami. « Toi, comment fais-tu pour continuer à lutter dans cette situation apparemment insurmontable ? » Les yeux de Sylaphide brillent d'un éclat plus intense, puis il dit, en toute simplicité, « Je m'imagine vivre à l'époque de l'esclavage triomphant, durant l'Empire romain. » En faisant partie de cette extrêmement petite minorité, persuadée que la liberté finira par abattre ce système inique. Mais, objecte Karim, si cette liberté n'arrive pas durant ton existence ? Le vieillard hausse les sourcils puis déclare : Tu te rappelles notre voisin, le planteur d'arbres sur la place ? Oui, confirme Karim. Étant donné son âge bien avancé, reprend Sylaphide, il sait très bien qu'il ne verra pas ses arbres. L'essentiel pour lui est de contribuer à leur naissance future pour d'autres qui en jouiront. Existe-t-il un comportement plus estimable ? Et ce genre de comportement n'est-il pas déjà celui d'un homme autonome, libre et solidaire ? Certainement. Maintenant, poursuivit le vieillard, revenons au problème concret que tu as posé. Par nos considérations précédentes, je tenais juste à le placer dans son cadre général. C'est la seule manière pour y réfléchir correctement et donc chercher la solution adéquate. En vois-tu une pour le frère de notre voisine ? Karim hausse les épaules en signe de perplexité. Ensuite il dit : Il a refusé un travail tellement facile. Évidemment, la perspective de sortir du pays où il souffre et étouffe, celle de voyager gratuitement, d'aller dans d'autres contrées, de bénéficier d'un confortable salaire, de croire être bien protégé par les prétendus amis, d'avoir à sa disposition une et même plusieurs femmes soumises aux caprices du mal, conformément à une vision opportune de la religion. En plus, quand on est jeune, généralement on ne pense pas à la mort. Tout donc est bien conçu pour convaincre un jeune, en plus soumis au tourment de la dépendance de la drogue. La discussion parvient au point mort. Cette fois-ci, le vieux sage n'a pas de remède au problème examiné. « Réfléchissons encore, » dit-il, en sachant que le temps presse. Retourné chez lui dans son lit, Karim est anxieux, l'esprit occupé par le frère de son aimé. Et si je le rencontre ? Mais comment ? Et avec quel prétexte ? Nous ne nous sommes jamais adressé la parole, pas même en nous rencontrant par hasard dans le couloir ou dans la rue. Il a l'air si fermé, hostile, un crocodile à l'affût. Si je prends l'initiative de lui parler, je risquerais même d'éveiller ses soupçons concernant mes relations avec sa sœur, car il sait que nous avions parlé ensemble dans l'autobus. « Karim, pourquoi ne dors-tu pas ? Il est si tard. » L'interpellé comprend que sa mère a quitté son lit pour aller aux toilettes et s'est donc rendu compte de la lumière dans la chambre de son fils. « Je vais dormir, maman. Bonne nuit à toi. »« Bonne nuit, mon enfant. Repose-toi. » Il éteint la lampe, mais les yeux ouverts, il se repose la question : « Comment faire pour parler avec le frère de Zara ?»